J'écris mes textes dans ton crise. Peu importe les prétextes, soit son triste, propice au cri. S'ouvre, inspire les vapeurs du souffle. Diable identifié comme partenaire, certains tripes. Merde, faut pas que le malin s'agrippe. Le processus enclenché, anecdotique, le danger chez nous. Souvent la vie s'arrête sous l'impact d'une putain de passe douce. Du sang et du mal. Toute façon, la vie un passage. Nous passons le cap par corde, puis la capitale, le cap NASA. Fric, on amasse pour sortir de la masse. Sa mère, le Dalai Lama, c'est théorie de naze. Hey, chez nous, c'est t'as de l'amour, t'es mort. C'est tel mort, c'est t'as le mort. Alors, le Pacino, c'est tel mon mort. Puis, coule le sang des martyrs en zone de guerre. C'est la banlieue française. Fait du sang, du mal. T'es tout sur le sol et partout dans les blocs. Les frères tombent, les coups de cri des mères meurtries. Depuis la zone, les arbres se confondent. De l'encre à vie sur du mar. Fait du sang, du mar. T'es tout sur le sol et partout dans les blocs. Les frères meurent, écoute le cri des mères meurtries. Génération pervertie, malheur à ceux que le mal divertit. Si pas un vent de folie souffle, nos malédictions. J'ai le basket et nos bijoux de famille même. On affronte la vie en casse-tête. On défie les lois et les forces de l'ordre avec des petits cailloux. On navigue dans nos troupes, destin tracé maître. Combien de fois devrais-je enlever mes lasers? Nous mène en bateau comme des marionnettes. Bientôt j'arracherai la cerise de leur putain de gâteau. Leur putain de gâteau. La tête haute, j'ai dû m'imposer dans ce monde à bout de bras. Et fier de montrer le drap. Nos parents savaient rien, eux sont venus du bled pour un taf. Ils ont eu les rêves et les cauchemars. Du sang et des larmes derrière chaque balle, c'est funérailles. On n'est plus les mêmes après les drames à l'aide. Fâché ma jeunesse en manque d'amour, on est tous des misérables endurcis en bas des tours. On fait du sang, du mal, t'es tout sur le sol et partout dans les blocs, les frères tombent. Écoute le cri des mères meurtries. Depuis la zone, les arbres se confondent. De l'encre à vie sur du mal. On fait du sang, du mal, t'es tout sur le sol et partout dans les blocs, les frères meurent. Écoute le cri des mères meurtries. Génération pervertie, malheur à ceux que le mal divertit. Si pas. Misère dévore nos pensées. Y'a de la tristesse dans la nuit, nos démons nous poussent à l'agonie. Y'a du mépris, de la mélancolie dans nos joies. Regard au tas parce qu'on veut pas mourir jeune. Nos jeux sont meurtriers, plaisir éphémère. Depuis le berceau, mais des coups de tête aux infirmières du hall. Nos paradis sont artificiels, donne-moi un hélico pour sortir mes frères de tôle. Nos chagrins et du shit et le sang gigue dans nos pupilles. Blessures secrètes et c'est le suicide. Criminels, philosophie, regarde nos cortèges de peine immense car c'est devenu catastrophique. Derrière les bars on vit avec les remords, dehors on agit toujours illégalement. Dis-leur que mon peuple est furieux, hey, t'es sourd, t'entends pas les appels au secours. Fais du sang, du mal, t'es tout sur le sol et partout dans les blocs, les frères tombent. Écoute le cri des mères meurtries. Depuis la zone, les arbres se confondent. De l'encre à vie sur du mal. Fais du sang, du mal, t'es tout sur le sol et partout dans les blocs, les frères meurent. Écoute le cri des mères meurtries. Génération pervertie, malheur à ceux que le mal divertit. Si pas.